Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast nommé Je m'en cul. Ça va être bien pour le recensement.